gagner des cons, le bleu, le trophée en dur. D'être un soldat, ça tient des balcons, rappeler que la pensée est dure. D'être un soldat, à l'état-major, contester ses dehors. Dur, d'être un soldat. Well, well, fais-tu la différence entre une balle et une prière? My lord, si tu l'as fait, dis-moi de quoi que tu suis fier. Fier, envers toute une armée. Si ce n'est de vouloir tuer le fils, le père. My lord, si ce n'est d'être au contrôle de la misère. Misère, misère, misère, misère. Dur d'être un soldat. Die, die. My lord, dur d'être un soldat. Scadidouf, dam, dam. Le dernier des cons, le bleu, le trophée en dur. D'être un soldat, ça tient des balcons, rappeler que la pensée est dure. D'être un soldat, à l'état-major, contester ses dehors. Dur, d'être un soldat. Well, well. Au même titre qu'un gun, t'es qu'un outil qui ne fonctionne pas sans abruti. Tu débarques comme dans un movie, dans un bled où les enfants sont mal nourris. Regarde ce qu'il se passe dans ta propre tessie. Regarde ce qui se passe, ouais. Avant de foutre la merde dans un autre pays. Dans un autre pays. Oh god. Scoudoudoudoum, partout où je vais. C'est un vrai désastre. Depuis les Indiens, tout ce que tu me fais est purement néfaste. Scoudoudoudoum, partout. Je vais, tu retournes ta veste. Depuis les Africains, tout ce que tu fais, c'est laisser le reste. Dur d'être un soldat. Le dernier des cons, le bleu, le trophée en dur. D'être un soldat. Ça tient des balcons, rappeler que la pensée est dure. D'être un soldat. À l'état-major, contester ses dehors. Dur d'être un soldat. Well, well. L'ordre est donné, bataillon confirmé. Tout ce qui menace doit sauter. D'un coup on efface tout un quartier. Dans la carte, il faut le rayer. Qu'est-ce que tu fais, c'est des familles que tu brises. Derrière toi se cachent des porcs qui font des bises. Recharge ton cerveau et pactise. Soldat. Le trophée en dur. D'être un soldat. Ça tient des balcons, rappeler que la pensée est dure. D'être un soldat. À l'état-major, contester ses dehors. Dur. D'être un soldat. Well, well.